l'université. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Télévision, Télévision, les Canadiens gardent le silence sur les intrigues à la télé. Spoiler alert, dans cette édition du Mathieu Plante Show, quelqu'un va mourir. Dans le segment Geek Series, il y a dorénavant plus d'un milliard de sites sur Internet. Et pendant ce temps-là, le nombre de chialeurs et de plaignards sur le web est toujours en recomptage. Et dans Merci Science, des champignons qui mangent des couches pour bébés. Au Mathieu Plante Show, tout de suite. Et voici celui qui se demande, finalement, c'est-tu moi qui va mourir d'ici 2 heures? Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Nous sommes toujours dans notre nouvelle case horaire automnale, on va arrêter de le dire, ça va être la dernière fois. Les mardis de 13h à 15h, aussi la rediffusion qui est maintenant le jeudi à 16h. Aujourd'hui, l'émission, la chronique télévisuelle, Télévision, Télévision, le segment Geek CNX, le survol du net dans WoW What Web, c'est un fait Tech Edition et la chronique de science et technologie Merci Science. On va terminer aussi notre série musicale, Super Mario 64 Portrait of a Plumber, qui rend hommage à la musique de Super Mario 64. En début d'émission, par contre, déjà tout de suite, c'est la suite de notre chronique sur les jeux vidéo rétro avec Samuel Girard. Bonjour. Hello. Ça va? Ben oui, toi aussi. Oui, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on a terminé l'émission ensemble. Oui. C'est ça. Et là, on inverse les choses un petit peu juste parce que c'est le fun de changer des fois. Oui. Hein? Et autres raisons connexes. Donc, commençons tout de suite avec ta chronique sur Sonic. Sonic the Hedgehog, c'est le sujet d'aujourd'hui dans ta chronique. Exactement, et je me suis dit, pourquoi pas la chanson du boss de chaque niveau. Sérieusement, c'est la meilleure chanson de boss qu'il n'y a pas. Pour... c'est très bon. Et oui, c'est quasiment sympathique quand tu arrives à Dr. Robotnik. En fait, est-ce que tu connais plus Mario ou Sonic? Ah, je connais beaucoup, beaucoup plus Mario. En fait, Sonic, j'étais pas très Genesis Sega quand j'étais plus jeune. Okay. Mes cousins l'étaient, entre autres, donc je les ai vus, j'ai pu les regarder jouer, mais en tant que tel, moi, j'ai pas vraiment jouer à ça tant. Ah ben c'est bien parce que moi c'est Mario que je connais moins. Moi j'ai joué à Sonic énormément quand que j'étais jeune. Mm-hmm. Alors c'est un sujet que je connais plus. J'ai commencé avec Mario la semaine dernière. Oui. Parce que Super Mario 64 c'était mon sujet avec lequel j'étais le plus à l'aise pour commencer. Oui, c'était la musique qu'on écoutait en plus, on s'est fait ensemble. Ben oui. Et là, je dis non, mais là, c'est Sonic faut que je fasse. Oui, Sonic, le revers de la médaille. Oui, exactement. La grande guerre entre Nintendo et Sega depuis toujours. Oui, mais au niveau des Easter eggs et des secrets, mm-hmm. c'est toujours Mario le grand gagnant. Ah, Sonic okay. en a beaucoup moins. Ah! Oui. Donc, t'as combiné plusieurs jeux dans la même chronique, alors que la semaine passée pour Mario, c'était juste Mario 64. Exactement. Okay. On va faire le tour de 4 jeux. Donc, Sonic 1 en 91, mm-hmm. Sonic 2 en 92, Sonic CD, ça c'est sur Sega CD. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus, je le nomme pareil, donc 93. Et finalement, Sonic 3 et Sonic Knuckles qui est ensemble en 94. Okay. Donc, vraiment, année après année, il y avait un nouveau jeu de Sonic à cette période-là. C'est oui, comme... c'était la bonne époque. Il fallait vivre à ce moment-là. c'était notre cas. ben oui, ben moi, je pouvais suivre ça. J'ai tellement aimé ces jeux-là. Moi, c'était toujours... on suit la suite, puis c'était de mieux en mieux à chaque fois. J'aurais dû, dans ce temps-là, suivre ça, mais bon. Ben bon, on va en découvrir ensemble. C'est ça. Et tant qu'on va commencer avec la chanson thème de Robotnik, je vais tout de suite commencer avec lui. Donc, je vais des fois dire Dr. Robotnik, des fois Dr. Eggman. Oui, c'est son nom. On le connaît sous les deux noms. OK. Y a plusieurs raisons à ça. Il y en a qui disent un c'est le père, l'autre c'est le fils. Okay. Il y en a un que c'est, y a les deux noms, mais ils ont choisi selon le jeu. Il y en a c'est juste des changements à cause de telle raison. Mm-hmm. Mais bon, ça réfère au même méchant pareil. D'accord. C'était originalement un héros. C'était pas un vilain. OK. Donc, je peux te référer à l'image 1 qu'on peut trouver sur ta page. Mm-hmm. Je sais pas si tu vois. J'y vais à l'instant sur le Mathieu Plante Show, bien sûr. Oui, ben je pourrais peut-être regarder ça moi aussi, tant qu'à y être. Donc, on le voit, on dirait qu'il porte un pyjama. Exactement. C'est un pyjama, une chemise rouge avec des points blancs, des pantalons verts fluo, une petite tuque genre de pyjama. Oui, donc beaucoup plus sympathique, moins méchant. Ben oui. C'était un des choix qui était retenu. Finalement, c'est Sonic qui a été conservé comme mascotte de Genesis. Meilleure idée. Et vu qu'ils ne voulaient pas jeter cette idée-là qu'ils trouvaient excellente, ben, ils ont décidé d'en faire le méchant. Ils l'ont modifié un petit peu. C'est la moustache un peu qui faisait qu'il avait quand même l'air un petit peu méchant, même quand il était héros. Oui, c'est ça. Grosse moustache rousse. Évidemment, en plus, ce vilain-là est basé sur un personnage historique connu. On parle évidemment du président américain Theodore Roosevelt, okay. 20e président américain, 1901 à 1909. Si je te réfère à la deuxième photo, dis-moi si tu trouves des ressemblances entre les deux. Il a l'air, je sais pas, il a l'air genre d'un recteur d'université. Aussi, genre quelqu'un de sympathique, bon bonhomme. Ben, c'est ça. Mais strict, sévère quand même un petit peu. Il y a comme les deux côtés en même temps. Oui, donc on voit le au niveau de la moustache, les c'est lunettes, ça. La forme du visage, le sourire. Ouais. Les dents sont placées de la même manière. C'est, je trouve ça hilarant. C'est vrai, c'est parfait. Et Robotnik est vraiment en boule de quille, tu sais, format vraiment boule. Là. Oui, donc, oui. Je pense c'est pas Roosevelt, le coup du président, mais... Il y avait quand même, là. C'est ça, c'est le trait qui est exagéré. La caricature pouvoir. De la chose. Oui, exactement. Oui. Par rapport encore au Dr. Robotnik, je te laisse faire jouer l'extrait 1. Ah, ben oui, ben quand un extrait veux. De Homo Chao. On écoute, attends un peu, deux secondes. Il a fermé, excuse-moi. Oh, c'est pas grave, mais Homo Chao, c'est l'équivalent de la fée dans Legend of Zelda Ocarina of Time. Celle qui dit « Hey, listen! » Ben, c'est l'équivalent dans Sonic. OK, attention, on est prêt à l'écouter. Oui. Ici et là. OK. Non, OK, excuse-moi. Ça veut pas fader. OK, c'est pas grave. Ah, tu me donnes 3 secondes, c'est fait. OK, parfait, good. Did you know the doctor's mustache is fake? Donc lui a de l'information privilégiée, ça a l'air. Et selon lui, la moustache docteur est fausse. OK. ça a l'air que c'est comme ça. Je vais y aller avec dans Sonic the Hedgehog 1. Sonic devait faire du breakdance dans une animation alors qu'on devait avoir accès à la trame sonore dans le jeu. Mm-hmm. Et en fait, si tu te réfères à l'image 3, ouais. On est déjà rendu là. Donc, c'est le Sonic the Hedgehog Band. OK, oui, je le vois. Il y a un coq qui joue de la guitare, ouais, un ça. Lapin qui joue de la batterie. Puis, exactement. Alors, on devait voir ce groupe-là et Sonic devait avoir une animation où il faisait du breakdance, okay. sur l'air de la musique qu'on faisait jouer. Okay. Ça a été enlevé et vu qu'il y a eu de l'espace de libérer dans le jeu, c'est là qu'ils ont décidé de faire le fameux chant d'intro, se faire jouer l'extrait 2. Avec grand plaisir, bien sûr. Extrait numéro 2, ça y va, ici. Ah oui, un classique. Oui. Ben oui. Ce son-là prend le 1/8 de l'espace du jeu. Ben non, arrête donc. Je te jure. Juste le réentendre. Oui, vas-y. 1/8. 1/8 du jeu. Donc, okay. Juste ce son-là prend plus d'espace qu'un niveau du jeu. Oui, c'est comme ça que ça marche. Sonic, dans le premier jeu, devait avoir une amoureuse humaine, OK, du nom de Madonna. Madonna. Oui, évidemment, l'idée a été enlevée. Ils ne voulaient pas se lancer dans des relations amoureuses. Ça faisait trop japonais, ça a l'air. Ah, OK. Oui, et c'était pour concurrencer Mario avec Peach. Ah, ben oui, ben oui. Ben oui, c'est ça. Donc, Sonic va rester Like a Virgin pour toujours. Oui, c'est ça. Non, en fait, ils ont créé le personnage de Amy plus tard pour les autres jeux. Ben oui. Alors, Rose, la fille Rose, genre. Oui, exactement. Like mais elle n'a pas mêlé avec le personnage qui s'appelle Rose. Exact. C'est ou Rouge, en tout cas, mais il y en a une qui a une couleur comme ça. Oui, c'est ça. Prochain point, dans Sonic CD, je fais deux petites parenthèses sur ce jeu-là qui est au Sega CD. Mm-hmm. Si vous avez l'écran titre et que vous faites bas, gauche, droite, A, on peut faire apparaître un menu pour faire jouer la trame sonore. Okay. Et si on combine plusieurs numéros de trame sonore, on peut faire apparaître des images qui sont cachées dans le code du jeu. Okay. Des images qui veulent absolument rien dire. C'est des petites choses cocasses, comme exemple Sonic qui a l'air d'un toutou japonais. Okay. Des choses comme ça. Inutile, mais ouais, le fun à mais avoir. Mais c'est ça, exactement. Et mais si ça existe faire, dans le jeu. On le fait sur l'émulateur, j'imagine aussi. C'est pour ceux qui n'ont pas la console, parce que c'est une console assez rare. Tu disais que c'était la Sega CD. Oui, Sega CD. J'ai réussi à mettre la main sur une, mais c'était compliqué. Mais t'es un collectionneur ouais, de Renault. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais bon, sinon l'émulateur fait parfaitement le travail. Encore dans Sega CD, si vous attendez 3 minutes sans toucher absolument quoi que ce soit sur votre contrôleur, Sonic va dire « I'm out of here » et il va sauter en dehors de l'écran puis vous avez l'écran Game Over et vous recommencez. Wow. « M'en va, car! » Oui, c'est ça. C'est comme ça. Ensuite, l'idée d'avoir un Sonic rapide, ça a été inspiré de Super Mario Bros. 1. Ah, ben ça me surprend, c'était tellement lent, je trouvais Mario Bros. 1. Ben c'est ça, ouais. C'est que un des co-créateurs s'amusait à faire le tour du premier niveau de Mario le plus rapidement possible. Okay. Puis s'est dit, hey, j'aime le concept de passer d'un bout à l'autre du niveau vite. Mais il savait pas le défi que ça allait leur occasionner de devoir faire des tableaux qui sont dans le fond pas mal 8 fois plus longs qu'un tableau de Mario parce que tu vas tellement vite que tu vois rien passer. Faut que tu fasses de très très longs tableaux ben, pour couvrir plus de temps de jeu, tu sais. Oui, exact. Mm-hmm. Mais lui, il voulait prouver ce point-là, puis il a réussi à faire ça. Ouais. C'était son objectif. Bravo. Fallait pouvoir faire de la vitesse d'un bout à l'autre. Ensuite, les souliers de Sonic sont inspirés des bottes de Michael Jackson et la couleur rouge est inspirée du Père Noël. OK. Ouais, ça, je sais pas pourquoi, là, mais... Ben, c'est le fun. C'était un rouge Père Noël. Oui, c'est vrai que c'est un rouge, ouais. C'est pas n'importe quel rouge. Ouais, c'est ouais. Ça. Et la personnalité de Sonic, ça, c'est très... faut écouter un peu plus les séries pour avoir vraiment l'idée de sa personnalité, mais ouais. Ça a l'air que c'est inspiré du président Bill Clinton. OK. Ouais. La politique américaine, hein, c'est pas ben, mal ça. C'est ça, ouais. C'est ce que je remarque, moi, aussi. Drôle d'intérêt, mais oui, il y a des dessins animés, entre autres, de Sonic. Il y en a eu un, il me semble, récemment, je pense. Sonic X. Là, il y en a un nouveau qui commence, c'est ça. Ah oui? Celui avec tout le monde a des espèces de gros torses. Là. Ah oui, oui, oui. C'est, okay, c'est vraiment beau, là, le nouveau qui s'en vient, genre. Oui, mais c'est ça, c'est ça. J'ai pas regardé encore, ouais. ça aurait de l'air de quoi. Mais c'est j'ai pas regardé ça. Ouais. Mais c'est ça. Après ça, Michael Jackson a participé à la composition de la trame sonore Sonic the Hedgehog 3. Et évidemment, il a été retiré à cause des accusations qui pesaient contre lui à l'époque pour abus d'enfants, ces choses-là. Ouais. Vu que c'était un jeu qui s'adressait pour les enfants, il était retiré. Il y en a qui disent aussi que non, ça n'a pas rapport, c'est juste parce qu'il n'aimait pas comment ça sonnait. Okay. Donc, il a dit, vous mettez pas mon nom, puis je retire du projet. Michael qui aurait dit ça. Ouais. OK. Donc, c'est un ou l'autre qui dit vrai, on le sait pas. On le sait pas. Ensuite, Sonic, dans Sonic the Hedgehog 1, devait avoir des lunettes quand il allait sous l'eau. OK, des lunettes de plongée. Ben, des lunettes de plongée. Ouais. Ça a été retiré, mais les lunettes sont encore dans le code. Donc, on peut les faire apparaître si quelqu'un va jouer dans le code. Ouais, c'est ça. Mais c'est une bonne idée parce que c'est pas très réaliste, là, tous les personnages qui vont dans l'eau puis qui ont de l'air à l'infini ou genre, ouais, c'est beaucoup trop longtemps. Donc, d'avoir des lunettes de plongée pour voir au moins, ça fait un aspect réaliste. Ouais, mais Sonic peut juste rester sous l'eau un certain nombre de temps. Faut qu'il prenne des bulles. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est un avantage par rapport à Mario. Mm-hmm. Ouais. Mais encore là, un avantage, ça fait rager les joueurs quand ils trouvent pas de bulles, là, mais, ouais, mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Ensuite, un ennemi qui est nommé Splatz, qui existe dans le code de Sonic the Hedgehog 1. Il s'agit d'un lapin qui a des ressorts aux pieds. Okay. Donc, on le voit beaucoup dans les bandes dessinées. Il a été fait pour les jeux, mais il n'a jamais été utilisé. Ah. Donc, il existe, mais pas dans le jeu. Eh ben. Ouais. Ben, il existe juste dans le code. C'est une bonne idée pourtant. C'est un beau petit lapin qui sort partout. Ben oui, mais ils n'ont pas eu l'utilité à le placer dans un niveau. Pas grave. Ils l'ont oublié en cours de route. Sonic the Hedgehog 2 et Sonic CD devaient initialement être le même jeu. Okay. Au même titre que Sonic the Hedgehog 3 et Sonic & Knuckles. Mm-hmm. Évidemment, à cause du changement de console, tout ça, Sonic the Hedgehog 2 et Sonic CD ont pris deux directions opposées. Et Sonic the Hedgehog 3 et Sonic & Knuckles, c'était pour des contraintes de temps. Donc, on préfère faire deux jeux. Mais ils ont arrangé Sonic & Knuckles pour qu'on puisse placer Sonic 3 par-dessus et jouer l'aventure au complet. C'est ça, c'est ce que je me rappelais. Les détails sont vraiment flous. J'avais lu là-dessus un petit peu que tu insérais une cassette dans l'autre cassette. Exactement. C'est Sonic & Knuckles qui permet ça. OK. Donc, c'est bizarre, c'est cool. Ouais, donc si on place Sonic The Hedgehog 3 sur cette cassette-là, ouais, on peut jouer l'aventure, les deux jeux ensemble, et on peut jouer aussi avec Knuckles, les deux jeux ensemble. Okay, okay. Ce qu'on peut pas faire dans Sonic The Hedgehog 3, jouer avec Knuckles. Okay. Et si on place Sonic The Hedgehog 2 par-dessus, ben là, on peut jouer avec Knuckles dans Sonic The Hedgehog 2. Wow! Ouais, et pour Sonic The Hedgehog 1, je vais revenir un peu plus loin. Okay. Dans Sonic 1, si on appuie à l'écran titre sur haut, bas, gauche, droite, A et Start, on arrive sur un écran qui nous permet de choisir n'importe quel niveau dans lequel on va aller jouer. Pour faire des tests, j'imagine, pour les débogages. Ben exactement, mais c'est ça. Mais là, si vous voulez pas tout faire le jeu pour aller jouer un niveau particulier, ouais, c'est un bon petit truc pour aller se pratiquer dans certains niveaux. Dans Sonic the Hedgehog 2, si on fait jouer les sons 19, 65, 9, 7 et qu'on appuie sur C, eh bien, on va encore avoir un nouveau menu dans l'écran titre qu'on va pouvoir choisir nos niveaux. OK. Donc ça, c'est des petits trucs comme ça pour se promener. Dans Sonic 3, le niveau qui s'appelle Marble Garden, si Sonic se penche, l'écran va baisser pour qu'on voit plus bas. Mm-hmm. Et si on fait le fameux spin dash à Sonic, mm-hmm, eh bien, on peut carrément détruire l'animation pendant qu'il est penché. Et là, il n'y a plus aucun contact qui existe. On passe à travers les murs, on se promène n'importe où. Et ça permet à certaines personnes de se téléporter à des places dans le niveau. Okay. Qui n'étaient pas initialement faites, mm-hmm, pour ça. Dans Sonic & Knuckles, le niveau Angel Island, si on est en Super Sonic ou n'importe quel des trois personnages comme ça, il y a moyen de sauter une phase d'une animation. Donc, si on saute dans les airs et qu'on avance rapidement par en avant en pesant sur A, eh bien, on peut sauter une animation et ça fait en sorte que le boss va apparaître deux fois. OK, deux fois. Mais ouais. Faut que tu te battes les deux fois? Hein? Non, juste une fois. Okay. Mais sauf que des fois, pendant que tu essaies de quitter le niveau, ben, tu as l'autre qui continue de t'attaquer pareil. Mais ça, c'est quand même très drôle à voir. Dans le niveau Ice Cap Zone, c'est possible de passer par le chemin à Knuckles. Parce que Sonic et Knuckles, à un moment donné, leur aventure diverge. Ils ont des chemins différents. Mais si on utilise encore le truc de se pencher et de faire un spin dash, on peut passer à travers les parois de glace et on peut se ramasser dans des endroits qu'on n'est pas censé être avec un ou l'autre des personnages. Mm-hmm. Là, on vient de virer à l'envers tout le jeu. Ça, c'est incroyable. Si vous allez sur YouTube, il y en a beaucoup qui abusent de ces choses-là. Ensuite, encore dans Ice Cap Zone, si on dépose Sonic sur un bloc de glace qui se brise avec Tails, parce que dès qu'on saute avec Sonic, le bloc il se brise. Mais si on le dépose avec Tails, parce que Tails peut voler... C'est lui qui a deux queues qui tombent. C'est ça. Ouais. Donc, s'il prend Sonic puis qu'il le dépose, et qu'après ça, avec Tails, on brise le bloc de glace, ben Sonic va rester dans les airs. Comme si le bloc était encore là. Et si on commence à se déplacer avec Sonic, ben la gravité est complètement démolie dans le niveau. Là, on flotte partout. Ça prend pas grand-chose. Hein, non, ça prend vraiment pas grand-chose. Et là, il y en a qui ont fait des choses hilarantes avec ça. C'est incroyable. Dans le niveau Launch Base Zone, il y a un endroit où on peut croiser Robotnik, mais dès qu'on approche, il s'en va. OK? Puis là, après ça, il y a le vrai combat un peu plus loin. Mais vu qu'on peut contrôler Sonic et Tails avec deux manettes, ben si on garde Sonic à l'écart et qu'avec Tails, on va attaquer Robotnik, il s'en ira pas parce que l'animation fonctionne juste avec Sonic. Ah, OK. C'est l'élément déclencheur, c'est Sonic. C'est ça. Mais là, tu sautes dessus, il se passe absolument rien parce que Robotnik n'est pas fait pour être vaincu là. Mm-hmm. Du moins, c'est ce qu'il y en a qui pensaient. Ah. Parce qu'après 256 coups, ben non. Il devient un flicky. Ça, c'est la petite bête qui s'en va quand on bat n'importe quel ennemi. Quand t'appuies sur... OK, oui, je comprends, oui. Ouais, ben même chose quand on appuie aussi sur... sur le gros bouton, là, c'est ça. C'est des flicky qui s'en vont aussi, qui étaient prisonniers. Puis qui partent à courir, ouais. C'est ça. Bon, c'est la même chose. Okay. Mais Dr. Robotnik devient un flicky, puis il s'en va. Puis après ça, il est-tu de retour pour son combat? Okay, oui, c'est mais... ça. C'est temporaire. C'est ça. 256 coups. Ouais, mais qui a eu l'idée de se rendre jusque-là? Ouais. À essayer ça. Perte de temps, parce qu'il faut que tu sautes à chaque coup, j'imagine. Tu peux pas juste laisser aller ça. Ça prend 9 minutes faire ça. Aïe. Ça, c'est à condition que Tails rebondisse toujours sur Dr. Robotnik. OK. Parce que si vous manquez votre coup, vous tombez à côté, ça fait encore plus long. Et ça recommence à zéro, on refait le 256. Non, ça recommence pas à zéro. C'est juste qu'il faut que tu te réalignes avec Tails pour ressauter par-dessus. Ça prend plus de temps. OK. C'est possible d'utiliser Super Sonic qui va plus vite et qui saute plus haut pour passer à des endroits qu'on n'est pas censé passer. Un bon exemple, c'est dans le niveau Hydro City Zone, dans Sonic 3. Sonic, il y a des parois de mur qui vont jusqu'au plus haut du niveau. Mm-hmm. Mais avec Super Sonic, on peut sauter et on peut passer quand même par-dessus. Ça fait en sorte qu'on peut atteindre des zones dans le niveau qu'on n'est pas censé aller. Exemple, on peut atteindre un endroit où Knuckles arrive juste dans une cinématique, mais on peut aller dans cet endroit-là. Le problème, c'est qu'on est pris. L'endroit a été créé pour une cinématique, mais là, on peut agir dedans. C'est ça. Wow. Sauf qu'on peut pas sortir après. Okay. Donc, on est pris là. Mm-hmm. Faut redémarrer le jeu. Wow. Mais c'est accessible. Maintenant, pour finir avec Sonic et Knuckles, qu'on peut mettre d'autres jeux par-dessus. Oui. N'importe quel autre jeu du Sega t'amène dans un niveau du jeu Blue Sphere. OK, dans un jeu particulier qui est intégré dans chaque... Dans Sonic 3, pour aller chercher un émeraude, pour ramasser des boules bleues et éviter les boules rouges. Oui. Ça, c'est le jeu Blue Sphere. D'accord. Mais là, avec n'importe quel jeu que vous placez, vous avez accès à un niveau. OK. Si vous placez Sonic 1, vous avez accès à toute la banque de niveaux. Wow. OK. Il y a 2 à la 27 niveaux. 134 217 728 niveaux. Sûrement généré au hasard un peu, mais... Quelqu'un a travaillé sur chacun de ces niveaux-là. Peut-être. Généré aléatoire avec un code, mais ils se font tous. Oui. Et il y a réellement 128 millions 16 000 niveaux. Les autres, c'est des doublons. OK. À partir de ce numéro-là, ben là, tu retrouves des niveaux que tu as déjà faits. Mm-hmm. Quand que tu réussis un petit niveau-là, il apparaît une animation à la fin pour te récompenser. Et moi, quand j'étais jeune, j'adorais ces animations-là. C'était ça mon plaisir à jouer à ça. Ouais. Et j'ai réalisé, en faisant ma recherche, que c'était en fonction de la difficulté du niveau que tu venais de réaliser. Okay. Donc, ça va jusqu'à « il n'y a rien », il y a Sonic qui apparaît, il y a Tails, après ça Knuckles. Évidemment, ils se superposent. Donc, si tu réussis le 1 qui était de difficulté 4, tu vas avoir Sonic, Tails et Knuckles. Parfait. OK? Ça s'accumule tout le temps. Après ça, on a Eggman. Après ça, Sonic Mécanique. Ensuite, il y a le Robotnik Mécanique. Ensuite, il y a des pour les trois prochains niveaux, c'est différentes sortes de Flicky qui apparaissent, donc des groupes qui passent. Après ça, il y a l'émeraude maîtresse. Ensuite, il y a le logo de Sonic & Knuckles. Et après ça, pour le plus difficile, il y a en plus Super Sonic qui est là. Okay. Je vais terminer ma chronique avec quelque chose qui m'a fasciné une grande partie de ma vie. C'est le mystère de Sonic 2. Je te laisse jouer l'extrait 3. On écoute ça à l'instant. Alors, cette chanson que vous entendez existe dans la trame sonore de Sonic 2, mais est utilisée nulle part. OK. OK, c'est la seule chanson que ça fait ça. Ça a été le plus grand mystère des joueurs. C'est quoi cette chanson-là? Eh bien, c'est la chanson du niveau Eden Palace Zone, qui est un niveau où on devait aller quand on récupérait les 7 émeraudes. On était envoyé là, c'était un niveau de 2 actes, puis on faisait ça. Mm. L'idée a été retirée du jeu. Et le niveau existe encore dans le jeu. Ils ont conservé sa musique. Mais il est inaccessible. OK? Là, toutes les images qui restent à voir, oui. c'est les images de chacun des niveaux que je vais parler. OK. OK? Donc, juste... Moi, je les regarde là. Live. Ouais, c'est okay. Ça. Donc, les images 4 et 5, c'est le niveau Eden Palace Zone. L'image 5, c'est le niveau tel qu'on peut le récupérer dans une cassette avec un code du Game Shark. OK. Donc, comme tu peux voir, c'est pas grand-chose. Non, c'est ça. L'image 4 montre un petit peu plus de choses, mais ouais. ça a été sorti du démo. La 5, c'est vraiment des symboles qui apparaissent par-dessus. Exactement, c'est ça. C'est le mieux qu'on peut récupérer. Là, ça a poussé les gens à chercher un peu plus, à aller voir le démo, puis c'était quoi l'idée de base. Mm. Et le jeu était complètement différent. Donc, il y a aussi un niveau. L'image 6, c'est Wood Zone. C'est beau, ça, avec des arbres et des feuilles. Exactement, mais le niveau était enlevé. Il y avait aussi l'image 7, c'est Dust Hill Zone, qui était basé sur un désert américain. Oui, des cactus. Oui, il y avait aussi une version antérieure du niveau que les fans ont baptisé Rock Zone. Donc, c'était le même niveau, mais qui avait l'air d'être pris dans un temps antérieur. Et aussi, il existe une version du niveau où là, c'est remplacé par des arbres de Noël, de la neige, tout ça. Donc, ça a été retiré assez tôt. Mm-hmm. Il y a aussi un niveau qui s'appelle Genocide City, l'image 8. Le nom a été changé pour Cyber City, évidemment. Ouais, Genocide, c'est un peu peut-être c'est trop, ça, hein? Mais c'est quelqu'un qui connaissait mal l'anglais au Japon, ouais. Donc il savait pas que ça avait cette connotation-là. Mm-hmm. Après ça, le niveau a été retiré et Metropolis Zone avait initialement 2 actes. Ils ont monté ça à 3, donc ils ont pris Genocide City et ils ont amené ça pour monter Metropolis City à 3 actes. Après ça, le dernier niveau, Death Egg Zone, avait 3 actes. Donc, les deux premiers. Et le dernier, qui était le combat final contre Dr. Robotnik. Ils ont retiré les deux premiers actes pour garder seulement le combat. Et les deux premiers actes, c'est devenu le niveau Chemical Plant Zone. Identique, ils ont juste changé le fond d'écran. OK. Donc, Sonic the Hedgehog 2, ça, c'était tout qu'un mystère. Les fans ont cherché pendant des années, fouillé dans le code. Et finalement, c'était juste ça. C'est que le jeu était tellement différent dans sa première phase. Là, il y en a qui ont réussi à récupérer les éléments de code pour reconstituer... qu'est-ce qui était le jeu, et c'est ce que ça a donné. Donc, c'est merveilleux. Et il y a des gens qui sont amusés. Ils ont recréé le jeu en émulateur, mais là, on peut jouer tous les niveaux. Ah, bonne idée, tout en même temps, sans avoir c'est à casser ça. La tête. Donc, il y a les niveaux du jeu, version finale, et ils ont glissé à travers ça toutes les zones qui ont été retirées de la version démo. Fantastique, ça. Alors voilà, c'est ce qui complète de mon côté pour ma super chronique sur Sonic. Que tu me donnes donc envie de jouer à tous ces jeux-là de Sonic, même s'il y en a eu des vraiment très mauvais plus récemment. Ouais, mais là, j'ai couvert les bons. C'est ça, c'est les bons, c'est le début. C'est comme les Star Wars. T'sais. Ouais, c'est ça. Il y a juste une série, il n'y en a pas deux. Donc, c'est mieux, Gérard. On te retrouve dans 2 semaines. Oui. Pour une autre chronique sur les jeux rétro un peu. On t'écoute aussi les lundis matin à Génie en Liberté. Exactement. Toujours fidèle au poste. Toujours, et j'ai entendu quelques petites mentions de jeux vidéo à ton émission lundi. Oui, c'est. Oui, petite exception, mais des fois, ça arrive qu'on s'échappe et qu'on se met à parler d'autre chose que de la politique. Tu peux pas t'en empêcher, c'est comme ça. Donc, Samuel Gérard, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, merci à toi. À très bientôt, merci. Donc, nous, on va écouter une petite chanson de Chiptune. Bien sûr, c'est ce qu'on fait de mieux à l'émission avant de commencer nos chroniques maison comme Television dans quelques instants. Mais pour débuter en musique, Voici une chanson qui s'appelle Listen to Sweet, Another Sweet Jam par Zimbolt. Ça commence maintenant, tout de suite, au Mathieu Plante Show sur C'est Fou 81 FM, la radio campus de Trois-Rivières, Québec, Canada. G8Y1RK. Non, je sais pas le code postal. Je sais pas. Sweet. Ça joue là. Tellement lent. Ça n'a pas d'allure. T'attends. C'est... Je suis bon en patin. Je suis rendu niveau olympique, là, mais à un moment donné. La pièce Fairy 8-bit added par Digit Axe. Au Mathieu Plancho. Avant ça, on a entendu, je dois redire le nom correctement, de la pièce qui s'appelait Sweet par l'artiste Zimbolt. Allez retrouver les liens sur assemblagerequis.com. Tantôt d'autres musiques, hein, mais avant ça, il y a du contenu entre. Voici Television, Television. C'est Television, Television et on commence au Québec avec Stéphane Gendron qui va piloter une nouvelle émission à Investigation cet hiver. Je trouve ça intriguant de voir ce gars-là se mettre dans un nouvel environnement comme ça. Donc, dès janvier 2015, Stéphane Gendron sera à l'animation de la nouvelle production originale Le Théâtre de la Justice, diffusée sur la chaîne Investigation, aussi appelée Canal D Investigation. Ce magazine de tournée devant public est produit par Nexo, comptera 13 épisodes d'une heure chacun. Dans chaque épisode, l'animateur recevra 3 spécialistes du droit dans chacune des thématiques abordées qui feront le point sur différents enjeux dans la société. Parmi les invités, André Sidilo, ex-chroniqueur judiciaire à la presse, Marc Benté, avocat spécialisé dans le droit des médias, et Claude Castonguay, le père de l'assurance maladie. En proposant pour la première fois un magazine sur ses ondes, la chaîne spécialisée qui fêtera sa première année d'existence en décembre diversifie son offre télévisuelle. Moi, je trouve ça seulement encourageable. Des émissions, des productions originales pour une chaîne comme Investigation qui est majoritairement basée sur du stock acheté ailleurs pour pas trop cher. Genre... ben justement, tu sais, si leurs émissions achetées ailleurs pour pas trop cher peuvent avoir assez de codes d'écoute pour pouvoir, après ça, faire assez d'argent pour pouvoir créer des productions originales, je suis pour. T'sais. Ça a pris un an environ avant qu'on commence à avoir des émissions originales, donc c'est pas trop long non plus. Maintenant, on reste au Québec avec Vidéotron qui offre une nouvelle chaîne d'ambiance. Vous avez sûrement entendu parler à travers les années récentes là, de la Slow TV. Qu'on appelle maintenant en français la télé décorative. C'est un phénomène partout dans le monde. Ici, on connaît surtout la bûche de Noël, avec la petite musique du temps des fêtes et les petits poissons aussi. Donc, Vidéotron lance sa nouvelle chaîne d'ambiance Stingray, développée par l'entreprise montréalaise qui s'appelle aussi Stingray. Stingray Ambiance allie un univers riche en paysages magnifiques, à un environnement sonore agréable, adapté aux différents moments de la journée. Depuis l'écran de leur choix, donc télé, web, mobile et tablette. Oui, les gens vont vraiment aller sur leur tablette là-dessus, c'est sûr. Les abonnés profiteront de différentes ambiances, paisibles et discrètes, telles qu'une falaise surplombant la Méditerranée, ou du son de la pluie qui tombe dans la forêt, et ça uniquement en HD. Ça, tu vois, le son de la pluie qui tombe dans la forêt, j'avoue que ça pourrait être assez le fun pour s'endormir. Tu sais, et c'est beau. Mais tu dois te mettre un petit... une alarme sur ta télé pour qu'elle s'éteigne toute seule, sinon ça gaspille de l'électricité pour rien, cette histoire-là. Chaque thématique est offerte sur demande 24h sur 24 en s'utilisant la position 553 sur le téléviseur ou en se branchant au canal 900 sur Illico Télé. D'accord. L'hiver dernier, Vidéotron avait lancé le feu de foyer multi-écran pour être synchronisé dans toutes ses pièces avec le même foyer et la même musique qui passe dans les haut-parleurs haute définition. C'est vraiment pour rentabiliser ton achat de cinéma maison, là, il n'y a rien de mieux. Un petit feu de camp, évidemment. Maintenant, on passe au Canada en général. Les Canadiens gardent le silence par rapport aux spoilers. Les Canadiens sont moins enclins à gâcher le plaisir de leurs proches en racontant les intrigues des séries télévisées, selon une étude de Netflix. La majorité d'entre eux dit toutefois s'être excusé de nombreuses fois par le passé pour en avoir trop dévoilé sur une émission. Faut pas se mettre les gens à dos comme ça. Les Canadiens seraient accommodants en ne donnant pas trop de détails à leur famille et leurs amis, selon un anthropologue culturel qui a collaboré à l'étude de Netflix. Les Américains, au contraire, estiment qu'ils devraient pouvoir parler du récit d'une série télévisée à tout moment. Aussitôt que ça a été diffusé, là, c'est rendu... c'est fair game. C'est juste pour tout le monde. Selon un sondage de la firme Léger Marketing, réalisé pour Netflix, 69% des Canadiens auraient dévoilé accidentellement une information importante dans une série. Seulement 11% d'entre eux considéraient que poser un tel geste était inapproprié. En revanche, 21% des Américains croyaient qu'il était acceptable de discuter d'une émission de télévision immédiatement après sa diffusion. Moi, je trouve que ça devrait laisser au moins une semaine ouvrable. Au moins. C'est question qu'on puisse rattraper deux épisodes de suite si ça arrive, t'sais. Les téléspectateurs sont toutefois de plus en plus résignés à entendre les histoires des séries télévisées populaires. Il est difficile de garder le suspense sur une émission qui s'invite dans tous les sujets de conversation. Ça, c'est sûr que si tout le monde en parle au bureau, ça va être difficile de signifier à tout le monde « Je ne l'ai pas vu, pouvez-vous vous retenir sur la finale, les chefs ou je sais pas trop quoi ». Le sondage a été mené auprès d'internautes entre le 12 et le 15 septembre dernier. Les sondages sur Internet ne peuvent avoir de marge d'erreur puisqu'ils utilisent des échantillons non probabilistes, selon l'Association de la recherche et de l'intelligence marketing. J'aime cette information, c'est pertinent, c'est cool. sans trace de sarcasme ici. Les Canadiens, d'ailleurs, parlant de Netflix, accèdent de plus en plus à ce site, cette plateforme. Les Canadiens qui se connectent à Internet en soirée le font de plus en plus pour regarder du contenu télévisuel sur Netflix. Une analyse du téléchargement fait en soirée au Canada révèle que 30 à 40% des données consommées venaient de Netflix, soit une quantité plus élevée que pour toute autre activité en ligne, même la porn. Lors d'une soirée type, les visionnements sur YouTube, la navigation sur le web, l'utilisation de Facebook et l'accès à du matériel sur BitTorrent représentaient les autres activités principales des Canadiens en ligne. L'écoute d'émissions et de films sur Netflix en soirée s'est multipliée par 3 au cours des dernières années, selon Sandvine. Il y a 3 ans, Netflix ne représentait que 13,5% des données de téléchargement en soirée. Plus de 25% des données téléchargées par les Canadiens sont sur des appareils mobiles. Non, pardon, on va recommencer la phrase. Plus de 25% des données téléchargées par les Canadiens sur les appareils mobiles provenaient d'applications de réseautage social. Facebook est l'application la plus utilisée, ensuite Instagram et Twitter. YouTube représentait 20% du téléchargement sur appareil mobile. On vient avec celui-là. Tiens, on reste aux États-Unis avec la nouvelle. Ben, ça, on avait déjà parlé de ça il y a quelques semaines. C'était quand même marquant pour moi. En même temps, je réfléchis à mon affaire et j'en ai pas parlé à l'émission. D'accord. Donc, Don Pardo, l'annonceur de Saturday Night Live aux États-Unis, est décédé dans les dernières semaines. Visage connu des téléspectateurs de SNL. Ça va être un autre vétéran de SNL qui va le remplacer. Donc, après ses 40 ans, en tant qu'annonceur, Don Pardo qui est décédé, maintenant ça va être Daryl Hammond. Les producteurs ont annoncé que Daryl Hammond, qui a fait partie de la distribution de SNL de 95 à 2009, va remplacer Don Pardo pour la première de la saison prévue le 27 septembre. La voix de Pardo a présenté l'animateur, l'invité musical et les membres de la distribution de l'émission chaque semaine pendant 40 ans, sauf pendant une année. Mais après s'être retiré en Arizona pour profiter de sa retraite, il a continué de prêter sa voix à SNL. Il faisait des enregistrements au préalable. D'habitude, l'annonceur faisait tout ça en direct. Ça a provoqué, même il y a eu des erreurs à travers les années. Quand il est déménagé en Arizona, il commençait à pré-enregistrer. Là, il n'y avait plus d'erreurs. Il est décédé donc le 18 août à l'âge de 96 ans. Daryl Hammond, de son côté, bien connu pour ses imitations, entre de Bill Clinton et de Al Gore à SNL, est capable d'imiter la voix de Don Pardo, ce qu'il a fait quand Don Pardo était malade par le passé. Donc, il est remplacé, mais en faisant une imitation assez convaincante. C'est ce qui me fait poser la question, est-ce qu'ils vont essayer de remplacer Don Pardo avec un autre Don Pardo similaire, ou est-ce que Daryl Hammond va pouvoir faire son propre personnage? Moi, je préférais cette deuxième version-là. Je vois pas pourquoi tu ferais semblant que le gars est pas mort. Donc, voilà. NBC, c'est ça, n'a jamais annoncé la présence de Daryl Hammond. Mais les gens remarquaient, les blogueurs entre autres, remarquaient un petit peu le petit changement, mais le public en général s'en souciait pas trop. C'est ce qui me fait peur. Je pense qu'ils vont peut-être essayer de faire comme s'ils étaient encore vivants. Penthouse lance une chaîne érotique pour la communauté noire. Le groupe américain Penthouse, l'un des leaders mondiaux du 3X, va renforcer sa présence en France, son premier marché pour les télés payantes, en lançant Penthouse Black, chaîne de télévision érotique pour la communauté noire. Est-ce qu'on va l'avoir ici un jour? Peut-être bien. Donc, présent dans une quarantaine de pays, Penthouse, célèbre pour son magazine créé en 65, puis diversifié dans l'audiovisuel, a été acquis en 2007 par le géant des rencontres en ligne Friend Finder Networks. Ses chaînes payantes sont diffusées dans plus de 40 pays, mais c'est en France qu'elles génèrent le plus de recettes. En France, Penthouse proposait déjà 3 chaînes. L'une soft, donc sans contenu explicite. 2 hardcore, avec, décliné en haute définition et définition standard, ainsi qu'une chaîne 3D. Il y a différents bonnets, il devrait y avoir différents bonnets. Genre 3D, 3, triple D. Okay. Les chaînes françaises sont présentes sur les boîtes multimédia que les fournisseurs, les câbles distributeurs offrent. Donc, de tous les opérateurs de télécommunications là-bas. Penthouse Black avait d'abord été lancé l'an dernier en Afrique sur le bouquet de Canal+, Canal Overseas, où elle a conquis plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. C'est certain que c'est un créneau probablement en forte demande, les fantasmes par rapport à cette pointe de gens. Donc, en France, elle va être lancée dans quelques jours, ou en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, sur Free. Puis sinon, ben, qu'est-ce qu'il y avait à dire de ça? Qu'au milieu des années 2000, Penthouse avait commencé à se diversifier dans la production de films 3X, vendus en vidéocassette, DVD, mais aussi aux chaînes spécialisées. Il y a ça disponible au Québec un peu partout, c'est certain. Donc voilà, pour Penthouse Black, on vous tient au courant si jamais des avancées et des reculs et des avancées et des reculs, vous voyez le genre d'image. Deux sénateurs héros d'une émission de télé-réalité maintenant. Une île déserte du Pacifique Sud, une même passion pour la pêche sous-marine et deux sénateurs, un démocrate et un républicain. On dirait le début d'une sitcom genre drôle de couple, tu sais, The Odd Couple. Un est propre et l'autre est sale, un est strict et l'autre est le fun. En compétition, ces deux gars-là, cocktail insolite, proposé aux téléspectateurs américains pour une émission unique de télé-réalité. Ça s'appelle Rival Survival. Ça va être diffusé le 29 octobre aux États-Unis sur Discovery Channel et ça devrait être ensuite sur 200 autres marchés. Donc, c'est certain que ça va jouer genre à peu importe, évasion, je sais-tu. Donc, ça a transformé apparemment Jeff Flake, Jeff Flocon, 51 ans, républicain de l'Arizona, et Martin Heinrich, 42 ans, démocrate du Nouveau-Mexique. Voilà. Donc, qui ont dû lutter pour leur survie. Hein? Lors d'une présentation à Washington, les deux élus ont indiqué que l'idée leur était venue il y a 18 mois au cours d'interruption de séance d'un vote marathon sur le budget. Ils voulaient au départ se filmer eux-mêmes avec une caméra GoPro, mais Discovery a repris l'idée avec une vraie équipe qui venait chaque jour sur l'île, d'une île voisine. Luttant contre la nature, les deux hommes ont dû pendant une semaine apprendre à allumer un feu sous la pluie, construire un abri avec des feuilles de palmier et pêcher leur repas dans un lagon aux eaux turquoises. Les deux hommes, sont revenus avec des coups de soleil. C'est super. Ensuite, drôle d'idée quand même, mais on pourrait adapter ce format-là dans pas mal tous les pays avec plein de vedettes de la politique. Faites votre propre combinaison. Voilà. Une adaptation télé du roman de Stephen King sur John F. Kennedy. Le site internet de vidéos en streaming Hulu a commandé une adaptation pour le petit écran du roman de Stephen King sur l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy. Ce roman qui s'appelle 11-22-63 ou 22 novembre 1963, hein, jour de l'assassinat de JFK, sera porté à l'écran par le cinéaste spécialiste des grosses productions, M. J.J. Abrams, qui est le réalisateur du prochain Star Wars Episode 7, actuellement en tournage pour Mission Impossible 5, qui a aussi fait Lost, Les Perdus. Ce livre du maître du récit d'horreur et d'épouvante sera transformé en mini-série de 9 épisodes d'une heure chacun, à la Stephen King et Under the Dome et des trucs comme ça. C'est un accord monumental pour Hulu car, je cite ici, nous faisons équipe avec J.J. Abrams et Stephen King, deux des conteurs les plus célébrés de notre époque. Voilà. Le roman de Stephen King, mi-thriller, mi-histoire d'amour, est sorti en 2011 et a reçu plusieurs prix. Il raconte les aventures d'un professeur qui remonte dans le temps pour tenter de changer le cours de l'histoire et empêcher le meurtre de JFK. Voilà pour les nouvelles. Maintenant, côté cote d'écoute pour la semaine du 25 au 30 août 2014. Toujours avec un énorme retard dans les codes d'écoute, même que j'ai l'impression d'avoir déjà fait cette semaine-là, à moins que ça n'ait pas été mis à jour depuis. Mais c'est pas grave. On va les faire quand même parce que j'ai commencé. Hein? Donc, 5e place, la poule aux œufs d'or. En 4e, juste pour rire. 3e, dimanche à Hollywood. 2e, sucré salé. En 1er, c'est les chefs. Du côté du Canada anglais, en 5e, c'est Big Brothers du dimanche. En 4e, Masterchef du mardi. Under the Dome le lundi. Emmy Awards sur CTV. Et en 1er place, c'est The Amazing Race Canada sur CTV. La liste complète sur assemblagerequis.com. Voilà pour Télévision. Tout à l'heure, on va faire Merci Science, la chronique complexe, mais quand même fascinante. Mais pour l'instant, on s'en retourne en musique chiptune. C'est un genre de jazz, si on veut. C'est jazz, vintage, jeux vidéo aussi, avec de la vraie batterie dessus. Donc, vous allez voir que c'est pas mal bon. C'est Pun, la pièce qu'on s'en va entendre, et par le groupe... l'album s'appelle Pun, la pièce s'appelle Bringing the Dough. Voici Graphics on Television au Mathieu Plante Show. Ça, c'est fou. la pièce Bringing the Dough par Graphics and Television. Je suis en train de lire l'article sur ce duo de Tokyo Graphics and Television. Il y a deux pièces qui sont mentionnées dans l'article. Tattlesnake. Ouais, ben je vais la choisir avant de partir. Donc Tattlesnake, qui est une pièce avec de la vraie batterie, comme j'ai mentionné tantôt. Il y a aussi Icicle, plus smooth, chill. J'ai envie, je pense, d'écouter Tattlesnake. Je suis dans d'humeur pour ça. Donc écoutons Tattlesnakes sur l'album Pond de Graphics and Television. Toujours au Mathieu Planchot. Bon, Tattlesnakes, précédé de Bringing the Dough par Graphics on Television. Encore une fois, leur album s'appelle Pan. Retrouvez-les sur graphicsontelevision.bandcamp.com. Maintenant, parlons de science. Merci, science. C'est Merci Science, c'est la chronique où on remercie la science d'exister, bien sûr. Commençons en santé un peu. Il faut expliquer quand même le fait que c'est l'endroit où se rencontrent la science, la technologie et la médecine, ces trucs-là. Donc, c'est ce qui différencie la chronique Merci Science. L'agence militaire américaine DARPA finance un projet d'exosquelette souple mené à l'université de Harvard. Destiné aux soldats, il peut être porté sous les vêtements afin de réduire la fatigue et les risques de blessures lors de marches prolongées avec des charges lourdes. Mais il pourrait aussi avoir des applications civiles. Qu'il s'agisse d'assister des personnes handicapées, affaiblies ou bien de décupler les forces de travailleurs ou de soldats, les exosquelettes ont tous le même défaut. Ces appareillages externes comprennent de nombreuses parties rigides qui ne brillent pas par leur ergonomie. Au Vice Institute for Biologically Inspired Engineering de l'Université de Harvard, une équipe a choisi une approche complètement différente en mettant au point un exosquelette souple. Nommé Soft Exosuit, ce prototype, c'est quand même assez descriptif, hein? Soft Exosuit. Ce prototype fournit une assistance à la marche en se synchronisant avec le mouvement des muscles et des tendons. Plus confortable, il peut être porté sous les vêtements. Dans le cadre de son projet Warrior Web, la DARPA, l'Agence de recherche et de développement de l'armée américaine, vient d'ailleurs d'accorder un financement de 2,9 millions de dollars au Vice Institute pour qu'il développe ce projet. Le but serait d'améliorer l'endurance des soldats et réduire les risques de blessures lors de marches sur de longues distances avec des charges lourdes. Mais cet exosquelette pourrait tout à fait être adapté pour aider les personnes ayant une mobilité limitée. Pour développer le Soft Exosuit, les chercheurs du Vice Institute ont d'abord soigneusement étudié la marche humaine afin de savoir précisément quels muscles des jambes auraient intérêt à recevoir une assistance. L'exosquelette imite l'action des muscles et des tendons lorsque la personne marche ou court et génère une légère assistance au niveau des articulations des jambes sans entraver le mouvement. L'équipement qui s'enfile comme un pantalon est fait de sangles en tissu qui enserrent certaines zones des jambes. Ces sangles incorporent un réseau de capteurs de contraintes souples reliés à un processeur central. Le système détecte divers signaux comme la tension s'exerçant sur les sangles, la position de l'utilisateur, son rythme de déplacement, etc. Ces informations seront utilisées pour déterminer le fonctionnement de l'assistance, transmises via des câbles qui exercent la force au niveau des articulations. Les moteurs électriques et les batteries sont localisés au niveau de la taille pour éviter que des éléments rigides viennent gêner les mouvements. En parallèle au développement de l'exosquelette militaire, l'équipe d'Harvard va collaborer avec des hôpitaux pour créer une version destinée à des fins médicales, notamment pour aider les patients ayant subi un AVC qui ont du mal à se déplacer. C'est génial. Les chercheurs viennent d'annoncer avoir développé une rate artificielle externe capable de nettoyer le sang d'agents pathogènes avec de microscopiques aimants, ce qui constitue la promesse d'un nouveau traitement contre la septicémie ou des maladies infectieuses comme l'Ebola. Une invention mise au point par des chercheurs américains est destinée à traiter les infections du sang qui touchent 18 millions de personnes dans le monde chaque année, avec un pourcentage de décès de 30 à 50. Les microbes qui en sont la cause, sont souvent résistants aux antibiotiques. L'appareil qui imite la rate a pour l'instant été testé chez le rat, pas encore chez l'homme. Il utilise des billes magnétiques nanoscopiques de moins d'un millième de millimètre recouvertes d'une protéine sanguine humaine conçue génétiquement qui s'appelle le MBL. La protéine MBL se lie aux agents pathogènes et aux toxines qui peuvent alors être extraits du sang grâce aux nanobilles magnétiques et qui se comportent comme de minuscules aimants. Une fois nettoyé, le sang est réintroduit dans l'organisme sans que sa composition ou sa coagulation soit modifiée. Après avoir infecté les rats avec deux bactéries, le staphylocoque doré et l'escherichia coli, les chercheurs ont réussi à retirer 90% des cellules bactériennes contenues dans le sang des rongeurs grâce à leur invention. En outre, ils ont injecté au cours de l'expérience une dose létale d'endotoxine, une toxine située dans la membrane externe de certaines bactéries, et ont réussi, grâce à leur méthode, à améliorer de façon significative la survie des animaux. Si l'appareil s'avère aussi efficace et sûr chez l'homme, il pourrait permettre de nettoyer physiquement le sang en enlevant une grande variété d'agents pathogènes ou de toxines, indiqué à l'agence France Presse, l'un des auteurs de l'étude publiée dans la revue Nature Medicine. Le traitement pourrait être mené avant même que l'agent pathogène n'ait été formellement identifié et que le traitement antibiotique optimal n'ait été choisi. On n'exclut pas que le traitement puisse un jour être utile dans le traitement de malades atteints d'Ebola, dans la mesure où la protéine MBL passe pour être capable de se lier avec le virus à l'origine de cette fièvre hémorragique. La protéine pourrait également se lier au VIH, le virus du sida, et au virus de Marburg à l'origine d'une autre fièvre hémorragique similaire à l'Ebola. Mais ils reconnaissent qu'il faudra encore des années d'expérimentation chez des animaux plus gros et chez l'être humain avant que ça puisse être approuvé, bien sûr. C'est un pas quand même par en avant, malgré tout. Les chercheurs ont séquencé le génome de l'insecte diptère Polypedilum vanderplanckii, capable de survivre en perdant 97% de son eau. Des gènes spécifiques à cette espèce ont été identifiés. J'ai l'impression que ça va être compliqué celui-là. D'accord. Donc, l'anhydrobiose est une adaptation extrême de l'organisme dans laquelle un animal peut vivre en absence d'eau. Les organismes qui en sont capables ont une longévité surprenante. Certaines espèces ont pu survivre à des dizaines, voire des milliers d'années sous une forme sèche. L'anhydrobiose est adaptée à certaines conditions extrêmes, donc température maximale de plus de 90 degrés Celsius et minimale de moins 270 degrés Celsius, oui, dans le vide, avec des doses élevées de radiation, des conditions donc mortelles pour la plupart des êtres vivants. L'animal le plus gros et complexe capable d'anhydrobiose est la larve de l'insecte Polypedilum vanderplanckii, laquelle vit encore en perdant jusqu'à 97% de son eau. Encore une phrase que tu sais, je me suis enfargé dans le mauvais mot. Celui retrouvé au nord du Nigeria vit dans un environnement où la saison sèche dure au moins 6 mois jusqu'à 8 mois. Quand les larves se développent, les flaques d'eau dans lesquelles elles ont grandi s'assèchent. Les larves sèches survivent à l'état déshydraté pendant plus de 17 ans. Dans un article paru dans Nature Communications, des scientifiques du Japon, de Russie et des États-Unis présentent une analyse des gènes de la P. vanderplanckii. Les chercheurs ont comparé son génome avec celui de Polypedilum nubifer, une espèce proche. L'objectif était d'identifier les gènes spécifiques à la vanderplanckii, absents chez nubifer et d'autres insectes connus comme le drosophile ou les moustiques. Grâce à l'analyse génétique, les chercheurs ont identifié des caractères impliqués dans la tolérance à la dessiccation. De nombreux gènes de P. vanderplanckii sont exclusifs à son génome et ne semblent pas hérités d'un ancêtre commun, car ils ne sont pas partagés avec des espèces proches. Ces séquences génétiques exclusives se trouvent dans des clusters de gènes, donc des bundles, des ensembles, appelés ARIDS. C'est Anhydrobiotic Related Gene Islands. Comme la déshydratation extrême des larves endommage l'ADN, celles-ci doivent le réparer après la réhydratation. Les dommages de l'ADN pourraient augmenter la fréquence des réarrangements dans le génome et les cycles d'anhydrobiose favoriseraient le transfert horizontal de gènes. Ceci permettra donc l'acquisition de caractères nouveaux. Donc, les protéines protectrices proviennent probablement d'un transfert horizontal de gènes, nous dit l'article. Un événement important dans l'évolution de la P. Vanderplanky a été l'acquisition des voies de régulation qui contrôlent l'expression des gènes des régions arides. L'habitat de P. Vanderplanky, à savoir des rochers isolés, ainsi que sa faible capacité à voler et la forte pression de sélection en raison de la longue saison sèche, ont favorisé ces évolutions de l'espèce. Intéressant. D'ailleurs, on rajoute à la fin que cette recherche permet d'envisager des applications car les gènes découverts pourraient améliorer la façon dont sont conservés les spécimens et échantillons biologiques. Le transport d'échantillons biologiques sensibles entre laboratoires serait ainsi simplifié et moins coûteux s'il était à l'état déshydraté. C'est comme un beef jerky de bébite, hein? Chez le ver rond, Cenorhabditis elegans, une hormone fabriquée en réponse à un régime calorique sévère, augmenterait l'espérance de vie. Il s'agit d'une piste à suivre dans la lutte contre les maladies liées à l'âge, à condition de contrôler les effets néfastes de cette hormone sur la fertilité. Manger moins allonge la durée de vie d'un grand nombre d'espèces, de la levure aux primates en passant par l'araignée et le chat. Plus encore, une restriction calorique sévère diminue l'incidence des maladies liées au vieillissement, comme cancer, maladies neurodégénératives, etc. C'est en tout cas prouvé chez les rongeurs et chez les grands singes. Et il y a de fortes chances qu'il en soit de même chez l'homme. Ce régime drastique à la limite de la malnutrition, oui, reste difficilement soutenable en raison notamment d'effets secondaires à la fois psychologiques comme l'irritabilité, la baisse de la libido, et physiologiques comme la baisse de la fertilité. Il est donc déconseillé de s'y astreindre dans le simple but de protéger sa santé. L'équipe du laboratoire de biologie moléculaire de la cellule, donc le LBM-CNRS-ENS de Lyon, a identifié chez le ver Cenorhabditis elegans, une hormone produite en réponse à la restriction calorique. Cette hormone, l'acide défachronique, est requise pour l'allongement de la durée de vie, mais elle est également impliquée dans la baisse de la fertilité liée au régime. Cette découverte établit donc un lien direct entre l'augmentation de la durée de vie et la baisse des capacités reproductives lorsque le régime alimentaire est pauvre en calories. Ces travaux ont été publiés dans la revue Nature Communications. Les chercheurs ont aussi découvert dans le noyau de cellules le récepteur à travers lequel l'acide défachronique agit. Véritable chef d'orchestre, il va activer un grand nombre de gènes en présence de l'hormone et dans cette symphonie génétique, un mouvement induira une baisse de fertilité et un autre le ralentissement du vieillissement. On espère parvenir à dissocier ces deux types de réponses afin de déclencher artificiellement l'effet protecteur vis-à-vis des maladies liées à l'âge et ce sans qu'il s'accompagne des effets délétères associés. Avec peut-être des applications thérapeutiques à la clé, puisque l'hormone identifiée et son récepteur ont des cousins proches chez les mammifères et donc chez l'homme. Ces travaux ont été financés notamment par la Fondation pour la recherche médicale. Une équipe de chercheurs canadiens a mis au point un prototype de mentonnière piézoélectrique capable de collecter de l'énergie à partir des mouvements de la mâchoire, donc produire de l'électricité en mâchant. Même s'il n'est pas encore viable, le concept démontre la possibilité d'alimenter de petits appareils électroniques tels que des implants cochléaires ou des prothèses auditives sans batterie. On pourrait mâcher et régénérer la batterie. En fait, il y aurait une batterie quand même, mais régénérer la batterie dans ton appareil, dans l'oreille. Donc récemment, en Corée du Sud, des chercheurs ont présenté un prototype de nanogénérateur piézoélectrique capable d'alimenter un stimulateur cardiaque grâce au mouvement des muscles sur lesquels il était fixé. Rappelons donc, pour ceux qui ne savent pas, dont moi, qu'un matériau piézoélectrique produit de l'électricité lorsqu'il subit une contrainte mécanique et inversement. Justement, c'est à partir de ce type de matériau qu'une équipe de l'École de technologie supérieure de Montréal, l'ETS au Canada, oui, au Canada, ici, a développé un procédé pour récolter de l'énergie à partir des mouvements de la mâchoire. Il s'agit d'un prototype de mentonnière faite d'un composé de piézoélectrique qui aurait le potentiel pour générer suffisamment d'électricité pour alimenter des petits appareils électroniques, comme on l'a dit en début d'article, donc des oreillettes sans fil, pour avoir l'air encore plus mononcle, des prothèses auditives ou des implants cochléaires. Selon leurs calculs, au cours d'une journée ordinaire, les mouvements de la mâchoire peuvent produire jusqu'à 580 joules, ce qui équivaut à 7 milliwatts, ce qui équivaut à quelque chose que je comprendrais, j'imagine, si on me le disait. La mentonnière de l'ETS est faite d'une couche de composite à fibres piézoélectriques qui incorpore des électrodes dans une matrice en polymère adhésif. Celle-ci va réagir aux mouvements de la mâchoire et cette bande vient se placer sous le menton. Elle est maintenue par des élastiques fixés à un casque audio. La bande PFC est elle-même reliée à une résistance de charge et à un multimètre numérique. Pour démontrer leur concept, les chercheurs ont demandé à un testeur de mastiquer une gomme à mâcher pendant 60 secondes. Le maximum de puissance récoltée a atteint 18, c'était quoi qu'on disait tantôt, des micro-watts? C'est pas ça du tout, hein? Je crois que c'est micro-watt. Mais bon, bref, peu importe. Mais la moyenne se situait à 10 micro, j'imagine, watts. Cependant, l'équipe de l'ETS admet que la quantité d'énergie générée par le système est actuellement insuffisante pour être utilisée dans les applications pratiques. L'un des objectifs est d'augmenter le nombre d'éléments piézoélectriques afin de pouvoir produire suffisamment d'électricité pour alimenter de petits appareils électroniques portables, ce qui pourrait se faire en superposant plusieurs couches de PFC. PFC, c'est les fibres piézoélectriques dont on parlait tantôt. Une vingtaine de couches serait suffisante pour alimenter un appareil électronique de production de protection auditive incluant, indiquent les scientifiques, mais c'est sans doute l'ergonomie qui posera le plus de difficultés car la bande mesurait 6 mm d'épaisseur et si on augmente les couches, plus ça va augmenter la taille, faire en sorte qu'une personne puisse porter ce genre de mentonnière sans être gênée ou attirer des regards, c'est quand même assez compliqué. Mais bon, ça viendra un jour. On va aller avec de l'information téléportée sur 25 km. C'est quand même assez important comme nouvelle. On se rend à Genève. Pour la première fois, des physiciens sont parvenus à téléporter l'état quantique d'un photon sur une longueur de 25 km, annonçait une équipe genevoise de scientifiques dans la revue Nature Photonics. C'est rapporté par Le Devoir. L'expérience, je cite, réalisée au sein du laboratoire du professeur Nicolas Gissin, constitue une première et pulvérise simplement l'ancien record de 6 km établi il y a 10 ans par la même équipe de l'Université de Genève. Popularisée par la science-fiction, entre autres dans Star Trek, la téléportation quantique ne permet pas, du moins pour l'instant, la connaissance, dans l'état actuel de la connaissance scientifique, voilà, d'envisager un transfert d'objets usuels et encore moins d'êtres humains. Cette technique devrait à l'avenir néanmoins trouver des applications intéressantes, notamment dans le domaine des télécommunications et du cryptage informatique sur Internet, selon les experts qui espèrent à terme. Les experts qui espèrent. Cet automne à TVA. La téléportation quantique permet de garantir que l'information envoyée d'un émetteur vers un récepteur parvienne à destination sans être interceptée. Dans le cadre de l'expérience réalisée à l'UNIGE, les physiciens ont pris deux photons issus d'une même source. L'un de ces deux photons a été propulsé le long d'une fibre optique, alors que l'autre a été envoyé dans un cristal, une sorte de dispositif de stockage de l'information du photon. Le premier photon se trouvant dans la fibre optique à 25 km de son frère jumeau a ensuite été percuté par un troisième photon. Les scientifiques ont ensuite constaté que l'information contenue dans le troisième photon est parvenue à se frayer un chemin au sein du cristal sans que les deux photons jumeaux ne se soient directement rencontrés. C'est pas génial ça? Fantastique. Et pour terminer, des champignons mangeurs de couches culottes, de couches pour bébés, fabriqués avec certains des matériaux les plus indestructibles sur Terre, les couches jetables sont une sérieuse cause de pollution de la nature. Un groupe de chercheurs expérimente un processus naturel de dégradation des vêtements souillés qui consiste à cultiver des champignons capables de réduire de 80% le poids et le volume des couches. Nom de code, pleurote en forme d'huître, Pleurotus ostreatus. Sa mission est de biodégrader les couches culottes jetables. L'objectif est en passe d'être atteint, déclare une équipe de chercheurs de l'Université autonome métropolitaine d'Azcapotzalco, au Mexique, quelque chose du genre. Les scientifiques ont fait pousser avec succès le pleurote sur un substrat à base de couches usagées. Pour autant, la méthode n'est pas des plus simples. Pour développer le champignon, les chercheurs ont utilisé des couches qui ne contenaient que des déchets liquides. Après avoir stérilisé les vêtements dans un autoclave, ils ont ensuite broyé les restes de couches. Comme les pleurotes ont besoin pour croître d'une substance ligneuse, la lignine, les chercheurs ont mélangé au substrat stérilisé des marques de raisin, de café ou d'ananas qui en sont naturellement pourvus. Mm-hmm. Des spores de pleurote du commerce ont ensuite été semés, donc on les a achetés en magasin. On a acheté ça sur le mélange de couches et de lignine. Le tout a été conservé pendant 3 semaines dans un sac de plastique, à une température et à un taux d'humidité contrôlé et dans l'obscurité totale avant d'être exposé à la lumière. Résultat, après 3 mois, il ne reste que 20% du volume et du poids du terreau. Un kilogramme pouvant produire entre 200 et 300 grammes de champignons nourris à la cellulose originellement contenus dans les couches. Heureux de leur récolte, les chercheurs ont consommé le champignon, sachant que la stérilisation supprimait tout contact avec d'éventuels contaminants ou parasites. Les gars ont du guts. En outre, les champignons présentaient la même quantité de protéines, de lipides, de vitamines et de minéraux que de la levure commerciale. Les couches contiennent tout de même des matériaux non biodégradables, du polyéthylène ou du polypropylène imperméabilisant sur la face externe. Ainsi qu'un gel superabsorbant du polyacrylate de sodium sur la surface interne. Selon les auteurs de l'étude, ces matériaux synthétiques aideraient la croissance des champignons en leur fournissant notamment des poches d'air et de l'espace pour se développer. Ils indiquent que les matières en plastique peuvent être recyclées ultérieurement et proposent que les restes du gel superabsorbant soient ajoutés au sol qui retiennent mal l'humidité, ce qui en bonus permettrait des économies d'irrigation. Eh bien, j'aurais jamais pensé lire un article du genre, mais un champignon qui mange des couches. Eh bien... Voilà, pour Merci Science, ça faisait contraste avec la semaine passée où il y avait comme deux nouvelles. On en avait pas mal plus, ça. Et ça tombe bien qu'on arrête là parce que je vais m'étouffer. Dans quelques instants, ce sera la chronique Geek CLX, mais avant ça, une autre chanson de Chiptune, bien sûr. On s'en va entendre l'artiste Info Drive avec sa chanson You Won't Remember Me. Ça se passe maintenant dans un Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Maintenant. Voilà. Honey smiles, the light C'était Bodies on Ice par Sigatron au Mathieu Plante Show. Maintenant, voici le segment Geek Cynix. C'est Alex, c'est la chronique où on fait un survol des 7 derniers jours en termes de nouvelles technologiques. Allons-y avec un écran flexible en graphène, le plus simple des afficheurs souples. Un prototype fonctionnel d'écran flexible à base de graphène vient d'être dévoilé par l'Université de Cambridge et l'entreprise Plastic Logic. C'est la première fois que le graphène est employé pour la partie électronique gérant l'affichage d'un écran flexible. Cette solution technique pourrait être l'une des plus simples et des moins onéreuses pour fabriquer ce type d'écran. C'est une première qui ouvre de grandes perspectives au marché des écrans flexibles. Oui, le célèbre centre graphène de l'Université de Cambridge et les fabricants d'écrans flexibles Plastic Logic viennent de dévoiler un prototype d'écran flexible à base de graphène. Il s'agit d'un écran monochrome électrophorétique à matrice active, identique au modèle qu'on trouve sur les liseuses électroniques à la Kindle, à la différence qu'il est fait de plastique et non de verre. On peut en voir une démonstration dans une petite vidéo publiée sur YouTube. Si ça vous intéresse, c'est sur assemblagerequis.com. Le fond de panier, la partie électronique qui gère l'affichage, comprend une électrode, en graphène. Et selon ses concepteurs, c'est la première fois que ce matériau est employé dans un tel but. L'un des avantages de cette solution est que la flexibilité du graphène permettrait de créer des écrans complètement pliables. Mais complètement, hein? Il y a une densité de ce fond de panier-là, densité de 150 pixels par pouce. Ça incorpore une électrode en graphène associée à un film électrophorétique qui remplace la couche d'électrode en métal déposée par pulvérisation. Le résultat est que cette technique permet de fabriquer le fond de panier à basse température en imprimant le graphène sur le substrat. Le prototype en question a été produit à une température de 100 degrés Celsius à partir de la technologie de transistor en couche mince développée par Plastic Logic. L'électrode ainsi déposée a ensuite été taillée à l'échelle micrométrique pour créer les connexions nécessaires. Ce procédé pourrait contribuer à simplifier et à faire baisser de façon conséquente le coût de fabrication des écrans flexibles. Ça ne peut qu'être bon pour le grand public. La prochaine étape consiste à transposer cette technique à des systèmes d'affichage LCD et OLED pour obtenir des écrans flexibles couleurs dont le taux de rafraîchissement serait suffisamment rapide pour la lecture de vidéos, par exemple. L'objectif annoncé est de fabriquer un écran OLED flexible dans l'année qui s'en vient. Ça avance vraiment, vraiment, vraiment très, très vite, à un rythme effréné. Un peu comme moi quand je parle. Un curieux brevet déposé par Airbus montre une sorte de casque avec écran intégré qui permettrait aux passagers dans un avion de regarder un film en étant complètement isolé du bruit environnant et même de respirer d'autres odeurs. Les designers d'Airbus ont déposé un brevet pour développer un appui-tête qui rappelle les casques de réalité virtuelle, mais qui pourrait diffuser des films, de la musique et même des odeurs pour aider les voyageurs à se détendre. Des dessins assez sommaires de ce brevet, des petits bonhommes, là. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. À la différence, oui, c'est ça. OK, bon, c'est comme des casques de coiffure qu'on montre dans le petit truc du brevet. Mais à la différence de sécher les cheveux, hein, on propose une isolation sensorielle de l'environnement extérieur. La nouveauté par rapport au casque de réalité virtuelle de type Oculus Rift est ce que l'on pourrait appeler l'isolation olfactive. Grâce à un système de ventilation interne, l'appui-tête pourra faire circuler des parfums et des odeurs à l'intérieur du casque, à en croire le descriptif du brevet. Pardon. À plusieurs reprises, en fait. Voilà. Pas du tout. Le flot d'air intégré pourra aussi être utilisé comme un simple système de ventilation. Les passagers auront une télécommande à leur disposition qui leur permettra de régler la température et l'intensité de l'air. Je sais pas si ça va pouvoir régler l'intensité de l'odeur aussi. Ça rappelle un peu les Google Glass. Ça intègre en plus des écouteurs et un micro. Et la visière va faire office d'écran pour regarder des émissions de télé ou des films, mais aussi pour jouer à des jeux vidéo. À terme, il devrait être proposé d'avoir des images 3D, des vidéos holographiques, etc. Mais pour l'instant, cette idée n'est qu'un projet. Une mise au point pourrait être puis une validation par les autorités du monde aéronautique seront indispensables. Maintenant, ça c'était moi qui buvais de l'eau. Les imprimantes 3D qui maintenant impriment des objets du quotidien depuis... quelques années quand même. Mais maintenant, on donne vie à une voiture. Hein? C'est la première du genre, ça se nomme Strati. Et elle roule, en plus. Cet objet roulant non identifié a vu le jour à Chicago à l'occasion d'un salon dédié aux technologies industrielles. Ce minuscule roadster baptisé Strati est le fruit du travail de Local Motors, une petite entreprise américaine spécialisée dans les solutions techniques appliquées à l'industrie automobile. Conçu à partir de 40 éléments, l'engin a été assemblé en 44 heures à partir d'une imprimante 3D. La carrosserie est essentiellement composée de plastique type CFRP, donc du plastique renforcé de carbone. Les roues, les liaisons au sol et le moteur électrique ont ensuite été montés séparément. Du côté de la fiche technique, Local Motors annonce une vitesse de pointe de 65 km/h et une autonomie maximale d'environ 180 km. L'entreprise prévoit d'en produire quelques exemplaires à partir de la fin de 2014, commercialisés aux environs de 18 000 $. Évidemment, il y a encore de la marge avant de voir arriver un tel procédé. Néanmoins, le principe pourrait s'appliquer à la production en série de quelques éléments auprès de sous-traitants. Peut-être très cool. Une équipe de l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies a mis au point un robot humanoïde bientôt capable de piloter un avion. Pour l'instant, Pibot, apprend les manœuvres de décollage, de navigation et d'atterrissage de façon autonome sur un simulateur comme tout pilote débutant. Il devrait bientôt faire son baptême de l'air dans un avion modèle réduit. Un jour peut-être donc les avions seront pilotés avec la pensée, on a déjà parlé de ça récemment, en attendant qu'il le soit par des robots est une éventualité, qu'il le soit par des robots est une éventualité qui pourrait se produire plus rapidement qu'on l'imagine. En effet, une équipe de l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies, le KAIST, a conçu un petit robot humanoïde capable d'utiliser un simulateur de vol en se servant des mêmes commandes que celles présentes dans un cockpit. Pibot, donc c'est Pilot Robot, ou le robot pilote. Hein? Est à l'origine un robot en kit qu'on appelle BioLid Premium, commercialisé par la société coréenne Robotis pour moins de, je crois que c'est dans les coins de 2 000 $, quelque chose comme ça. Quelques milliers de dollars, quelques seuls petits milliers. Et il a été quelque peu modifié pour pouvoir actionner les instruments de bord d'un avion miniaturisé. Donc, actionner le manche à balai et le palonnier, reconnaître et actionner les boutons et interrupteurs. Installé aux commandes face à un écran, Pibot se sert de son système de vision pour repérer le marquage au sol de la piste afin d'aligner l'appareil lors des phases de décollage et d'atterrissage. L'équipe du KAIST affirme que son robot pilote remplit toutes les exigences spécifiées par la Federal Aviation Administration, la FAA, l'agence gouvernementale américaine qui chapeaute l'aviation civile. Il y a une petite vidéo de démonstration publiée par IEEE Spectrum. On voit le robot préparer son décollage comme le font les pilotes en chair et en os. Son avion virtuel, qui est un Piper Comanche 250, est immobilisé sur la piste. Il met les gaz au ralenti, enclenche successivement les interrupteurs pour allumer la batterie. L'avionique, ça doit être une pièce, et la pompe à essence électrique. Il règle son altimètre et démarre le moteur. Pibot saisit alors le manche à balai et le palonnier. Les freins sont relâchés et l'avion commence à rouler. Donc là, il y a plein de termes, là, l'avionique, la pompe à essence électrique, mais manche à balai, on n'a pas de terme plus officiel que ça. Le robot contrôle son alignement et accélère jusqu'à faire décoller l'appareil. Une fois en l'air, Pibot exécute des manœuvres de virage et de montée en respectant les vitesses et l'attitude qui lui ont été communiquées. Il effectue un tour de piste complet, réalisant une belle finale. Hein, tout le monde lève leur pancarte 10 sur 10. Bien dans l'axe de la piste, terminé par un atterrissage impeccable. Le projet a été présenté lors de la conférence International Conference on Intelligent Robots and Systems qui vient de s'achever à Chicago. La prochaine étape consistera à tester le robot en conditions réelles, pas encore sur un véritable avion malheureusement, mais dans un modèle réduit télécommandé. On l'a mentionné en intro d'émission il y a environ une heure et demie de ça. C'est qu'il y a dorénavant plus d'un milliard de sites sur Internet. C'est l'agence France Presse qui nous le rapporte. Donc, plus d'un milliard de sites sur Internet et ce chiffre augmente en permanence selon les derniers relevés établis en temps réel par le site spécialisé Internet Live Stats. Internet a fêté ses 25 ans en début d'année et le compteur d'InternetLiveStats.com indiquait qu'on était rendu à 1,06 milliard de sites plus tôt cette semaine. L'idée d'un réseau mondial connecté a été développée dans les années 80 par le Britannique Tim Berners-Lee, qui n'était alors plus rien d'autre qu'un jeune ingénieur en informatique dans un laboratoire de physique en Suisse. Il a développé un moyen de faire communiquer facilement entre eux plusieurs ordinateurs, premier pas vers un phénomène qui a changé la vie de milliards de personnes. Il a présenté son idée par écrit le 12 mars 89, un jour en général considéré comme la date de la naissance du web. Les militaires américains avaient étudié l'idée de connecter des ordinateurs en réseau dans les années 50 et avaient lancé ARPANET en 69, une sorte de précurseur à Internet. Mais grâce au système de Sir Tim Berners-Lee, aujourd'hui âgé de 59 ans, encore jeune, les gens ont été en mesure de publier ce qu'ils le souhaitaient sur des ordinateurs reliés entre eux par Internet, ouvrant la porte à un gigantesque partage d'informations et à une explosion du nombre de sites. Des moteurs de recherche géants comme Google ou Yahoo ont ensuite été créés pour aider, et Bing, si vous voulez vraiment, pour aider les internautes à trouver les pages qui les intéressaient parmi la profusion d'informations postées. Ainsi, rien que pour la journée de mardi dernier, Google a enregistré plus de 3,1 milliards de recherches sur ses serveurs selon Internet Live Stats et près de 170 milliards de courriels avaient aussi été envoyés au cours des dernières 24 heures. Incroyable. Toujours selon le compteur d'InternetLiveStats.com, la barre des 3 milliards d'internautes devrait aussi être franchie très prochainement. Le revers de la médaille est que l'électricité consommée pour faire fonctionner Internet a généré au moins 2,17 millions de tonnes de dioxyde de carbone, le CO2, rejeté dans l'atmosphère rien que pour la journée de, encore une fois, mardi dernier, selon Internet Live Stats. Le partenariat entre Apple et le joli groupe là, de musique U2 ne se résume pas à la distribution gratuite sur iTunes du dernier album du groupe. Hein, selon le chanteur Bono, il serait question de la création de nouveaux formats de musique numérique. C'est plus intéressant, à mon avis, que l'album gratuit qui fait chialer tout le monde. C'est l'occasion de l'entretien avec le Time de quelque chose, bref. Un des différents Time, il y en a plein, mais Time.com. Hein? Bono, chef de file et chanteur du groupe U2, a furtivement expliqué que le partenariat avec Apple ne tournait pas seulement autour de l'album Songs of Innocence. Je cite, un projet secret serait actuellement en cours, vraisemblablement pour créer un nouveau format de musique numérique, destiné à motiver les mélomanes et, là, c'est plus une citation rendue ici, destiné à motiver les mélomanes et passer à la caisse, donc acheter au lieu de pirater. Une démarche qui concernerait autant les albums que les morceaux individuels et qui se destinerait aussi bien aux artistes très connus qu'à ceux ayant moins de visibilité et éprouvant des difficultés à gagner de l'argent. Les détails sont inconnus pour l'instant, toutefois il ne s'agirait pas d'intégrer un DRM, donc les verrous numériques. C'est pas très attrayant, c'est enlevé depuis des années sur tous les services. Mais plutôt d'offrir de nouveaux services autour de l'achat de musique en ligne. Malgré le peu d'informations qui ont été distillées jusqu'à maintenant, le défi s'annonce assez important parce que entre le piratage de musique et la multiplicité des offres, donc les radios en streaming, etc., Spotify, Deezer et autres, qui proposent du contenu comme ça gratuitement la plupart, donc ou sinon pour à peine le prix d'un album par mois. Se faire une place reste assez difficile. Les membres de U2 ne restent pas moins convaincus qu'il faut agir pour développer la rémunération des artistes sur Internet. Quand on sait que l'exclusivité du nouvel album du groupe aurait coûté dans les environs de 100 millions de dollars à Apple, on est en droit de se dire que les Irlandais n'ont pas attendu l'arrivée d'un nouveau format pour trouver une nouvelle façon de gagner de l'argent. Oh, maman. Quel gag de cubic.com. N'en déplaise aux utilisateurs d'iTunes à qui Apple a imposé des chansons avant de faire machine arrière. Vous vous en rappelez, on n'en a même pas parlé parce que tout le monde en parle. Mais trouvez le lien facilement sur Internet pour enlever l'album Songs of Innocence si ça vous dérange tant que ça. Nintendo célèbre son 125e anniversaire cette semaine. Génial, hein? C'est pas une erreur. C'est en effet vrai. 125 ans. Comment est-ce possible, étant donné que les jeux vidéo n'existaient pas? Ben, c'est pour ça que branchezvous.com nous a fait un petit compte-rendu de cette fête-là. Et parlons-en, lisons au complet l'article. Donc, la multinationale Nintendo Company Limited a été fondée le 23 septembre 1889. Comme le souligne Kotaku.com, puisque les Japonais vivent dans le futur, l'entreprise célèbre aussi son 125e anniversaire. Donc, célèbre ça en date que l'article a été écrit. Là, d'habitude, je lis des articles à l'avance, puis je ne l'ai pas fait aujourd'hui. C'est ma faute. Il faut savoir qu'à ses débuts, Nintendo n'était évidemment pas un fabricant de consoles. L'entreprise artisanale de Fusahiro Yamauchi s'est d'abord spécialisée, vous le savez tous, dans la production de Hanafuda, c'est des cartes à jouer japonaises, qui étaient à l'époque fabriquées à la main. Si vous ne savez pas, je vous l'apprends, sentez-vous pas cave parce que je vous dis que vous le savez déjà. Dites pas, moi je ne sais pas. C'est correct. Donc rapidement, elle devient leader du marché des cartes à jouer au Japon. Le gendre de Yamauchi, Sekiroyo C'est crayon Canada. C'est crayon Canada. Son nom de famille, c'est Canada. Fait qu'il y a des cahiers Canada, c'est crayon Canada. OK. Je reprends. Donc, par la suite, les reines de Nintendo en 1929. Il adopte par la même occasion le nom de famille de son beau-père à la demande de ce dernier. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Hiroshi Yamauchi, le petit-fils de Sekirayon Canada, que l'entreprise diversifie ses activités. À une époque, Nintendo gérait sa propre flotte de taxis, une chaîne d'hôtels de l'amour, des Love Hotels, qui servait exactement à ce que vous pensez. Sans succès, Yamauchi réoriente son entreprise sur le marché des cartes à jouer et Nintendo entre à la bourse de Tokyo en 1962. Après avoir expérimenté avec les jeux électroniques dans les années 70, Nintendo connaît son premier réel succès avec le Family Computer, sa première console de salon lancée au Japon en 1983. Si bien que l'entreprise décide de conquérir le marché américain en 1985 malgré le crash du jeu vidéo, dont les répercussions se font toujours sentir chez les détaillants à ce moment-là. Vous connaissez certainement la suite de l'histoire, bien que Nintendo ait connu des jours meilleurs. En ce moment, ça va bien, mais pas autant qu'avant. Une entreprise âgée de 125 ans n'est pas prête à disparaître du jour au lendemain. C'est une énorme entreprise qui imprime du cash la plupart du temps. Voilà pour le segment Geek Cynics. Continuons avec les nouveaux... Commençons par le top des jeux les plus loués en club vidéo. En 10e et 8e... C'est Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution qui est sur Xbox 360 en 10e et sur PlayStation 3 en 8e. En 9e, 7e, 6e et 3e, c'est NHL 15 sur Xbox One, dans l'ordre, vers le haut, Xbox One, PS4, PS3 et Xbox 360. Prochain jeu original dans le top 10, c'est Destiny, le jeu super attendu qui est enfin sorti. En 5e place sur PlayStation 3, en 4e sur Xbox 360, en 2e sur Xbox One et en 1e sur la PlayStation 4. Voilà pour le top 10 qui contient 3 jeux. Super. À chaque semaine, je me dis quand est-ce qu'ils vont combiner les jeux pour qu'on puisse en avoir plus dans le top 10 et les combiner sur toutes les consoles confondues. Mais ça, c'est pas moi qui gère ça. Hein? Ce n'est pas entre mes mains. Étant donné qu'on a parlé de nouvelles technologiques et tout, on fait ce qu'on fait d'habitude juste après ce bloc-là. C'est évidemment le petit segment là, où on parle des nouveautés hein, en magasin. Hein. Et on appelle ça, ça s'en vient. On appelle ça bientôt sur vos écrans. Voici les nouveautés jeux vidéo pour la semaine du 21 au 27 septembre 2014. Commençons par lundi. Aux États-Unis sortait The Long Dark, un jeu de simulation de survie pour le PC. Magic Maker sortait aussi sur PC. Teeth sur PC. The Brave Furries sur PC. Logic Bots sur PC. Jacob Jones and the Bigfoot Mystery Episode 2 hein, sur PC aussi. Super Chain Crusher Horizon, c'est un jeu shooter qui se passe de gauche à droite. Side-scrolling, c'est sur PC. Barter Empire sort sur PC. Bionic Heart 2 sur PC. War on Volvos sur PC. Celia Act 2 sur PC. Starforge sur PC. C'est un jeu où on ramasse des ressources, on construit nos bases et on crée à peu près ce qu'on veut en survivant sur une planète extraterrestre. World War 3 Black Gold sort sur PC. C'est coté 8,4 selon GameSpot. C'est fantastique, disent-ils. Great. C'était ma traduction de great. Great, ça veut juste dire super, peut-être pas fantastique, mais bon. Donc, c'est un jeu de stratégie en temps réel qui, nous dit-on, se démarque des autres jeux du genre. C'est facile à dire. Hein? Le mardi 23 septembre sort aujourd'hui donc DG2 Defense Grid 2 sur PC et PlayStation 4. Tu vois que dans les initiales, c'est 2, puis dans le vrai titre, c'est 2 parce que j'ai aucune constance là-dessus. Non, c'est un jeu de défense, de tower defense, comme on l'appelle dans le domaine, on va pas se le cacher. Tower defense, où on défend des tours ou autres affaires comme ça qui ressemblent à des tours, des bâtisses, des trucs comme ça. Et donc, c'est ça. Ensuite, Stronghold 2 Crusader. Non, Stronghold 2 Crusader 2 sort sur PC. Donc, c'est. Ça vous ramène dans le Moyen-Orient. Voilà, dans le Moyen-Orient. Frozen Synapse Prime sort sur PlayStation Vita. C'est un jeu qui était à l'origine PC et mobile, écrit par Mode 7. C'est une équipe de soldats futuristes là-dedans. Ultimate Naruto Open Beta sort sur PC. C'est un jeu de rôle qui combine un scénario basé sur les animés japonais, du combat excitant et un style visuel intéressant. Voilà. Ensuite, Gauntlet sort sur PC. C'est développé par Arrowhead Game Studios. Ça innove par rapport au titre précédent de la série, tout en restant près du format légendaire de la marque, nous dit-on. Ensuite, Anna Extended Edition sort sur Xbox 360. Basé sur les commentaires de milliers de joueurs par rapport à la version originale de Anna. On a vraiment amélioré avec plus d'environnement, plus d'heures de jeu, de gameplay, etc. Ensuite, Castle Storm Definitive Edition sur PlayStation 4. Ça se passe dans un monde médiéval. C'est un jeu de guerre, de projectiles, tir à l'arc et un peu à la fin comme ça. Basé sur la physique aussi. Il y a une bonne physique, nous dit-on. C'est coté 8 selon GameSpot, donc great. Hein? Arcane Heart 3 Love Max sort sur PlayStation Vita et PlayStation 3. C'est un jeu de combat de Axis Games avec Arc System Works. C'est un jeu de combat, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, mais si je regarde la pochette, c'est visuellement très, très asiatique, encore une fois. Donc, sûrement animé un peu. Ensuite, sort sur PlayStation 4, Xbox One et Xbox 360, ainsi que, attention, PS3 et Wii U, voilà. Disney Infinity Marvel Super Heroes 2.0 Edition. Évidemment, c'est dans la série Disney Infinity, donc avec des petites figurines qu'on peut se procurer avec différents personnages de Disney qu'on peut faire entrer dans notre jeu. Sauf que là, c'est la version Marvel Super Heroes, donc avec des super-héros de Marvel. Et c'est la version 2.0, donc la suite de ça. T'sais. C'est comme une sous-branche d'une sous-branche. Plus de 20 nouvelles figurines interactives et je pense qu'on va finir par manquer de place les tablettes des magasins pour mettre ces figurines-là. Il y en a. Ensuite, FIFA 15 sort sur PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One. Attends, j'ai cliqué sur la mauvaise affaire. Bon, attends. OK. J'ai cliqué sur le plus. Voilà, ouais. Donc, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC, Wii, Vita et 3DS. C'est un jeu multi-multi-plateforme. C'est coté 8 great selon GameSpot. Et c'est la suite, évidemment, de la série sur le soccer. Ensuite, sort sur PlayStation 3 Arno Surge, Ode to an Unborn Star, où on suit deux groupes de personnages, les Delta et les Casti. Leur but est de protéger l'humanité et de sauver le monde. Transocean, The Shipping Company, sort sur PC. Killer Instinct Combo Breaker Pack sort sur Xbox One. C'est coté 7, correct, good, c'est bon. C'est exclusif à la Xbox One, c'est un jeu de combat, bien sûr, Killer Instinct. Il y a donc bien des jeux cette semaine, ça n'arrête pas. Ancient Space sort sur PC, c'est un jeu à un seul joueur en temps réel, un jeu de stratégie en temps réel, donc il met le joueur aux commandes d'une flotte lors d'une mission scientifique à la frontière de l'univers connu, ou quelque chose du genre avec d'autres mots. Runaway Express Mystery sort sur PC, Schrödinger's Cat and the Raiders of the Lost Quark, ça a l'air vraiment fantastique, Schrödinger's Cat, là, c'est vraiment cool, sur PC, ça sort aux États-Unis. Ensuite, partout en Amérique du Nord, Blob Sauce sort sur PC. Moorhan Tiger and Chicken sort sur PC. Évidemment, on a encore une fois Disney Infinity qui sort sur un paquet d'autres plateformes dans plein d'autres pays. Flockers sur PlayStation 4. C'est un jeu de puzzle avec un petit peu d'humour noir. J'ai envie de jouer à Flockers. Je sais pas pourquoi ça m'attire. Slender the Arrival sort sur PlayStation 3. C'est côté great selon GameSpot, encore une fois. C'est la continuité de Slender the Eight Pages. Ensuite, on y va avec la date de mercredi. C'est donc bien long. Phoenix Rage sort sur PC. Un jeu de plateforme en 2D, apparemment très, très accrocheur. Moi, ça rend accro, finalement. Moreshift Wars sort sur PC. Roadside Assistance Simulator. Un simulateur d'assistance sur le bord des autoroutes. Tu sais, là, genre les remorqueuses qui viennent t'aider. C'est un simulateur de tout ça. C'est après le simulateur de chèvre. Hein, on avait vraiment besoin d'un simulateur d'assistance sur le bord de la route. Assistance routière, je pense qu'on dit. Jeudi 25 septembre, The Vanishing of Ethan Carter sort sur PC. C'est un jeu de fiction, plus que de science-fiction, de fiction, d'aventure macabre qui se déroule au début du 20e siècle. Voilà, un jeu qu'on joue la nuit, nous dit-on. Darts Up sort sur Wii U. Tenkai Knights A Brave Battle. Yu-Gi-Oh! Zexal World Duel Carnival sort sur 3DS. Je saute des jeux qui apparaissent en double. The Secret Tears True sort sur PC. Ça c'est des jeux qui sortent dans d'autres pays. Driving School Simulator, tiens, après le simulateur d'assistance routière, c'est le simulateur d'école de conduite. Pour ceux qui n'ont pas encore appris à conduire, exemple, mettons, on va nommer quelqu'un au hasard Mathieu Plante, Mathieu Plante Show, Mathieu Plante, apparemment. Peut-être qu'il pourrait utiliser un simulateur d'école de conduite. Vendredi sort Neverending Nightmare sur PC. C'est un jeu d'horreur psychologique inspiré par la bataille du développeur lui-même avec une maladie mentale. Ouais, ça a l'air intéressant, vraiment très très bien. Hyrule Warriors, un jeu très attendu qui met en vedette les personnages de Legend of Zelda, évidemment. Et je crois que c'est Destiny Warriors ou Fantasy Warriors. En tout cas, bref, une série quand même assez connue que moi j'ai jamais joué. Mais bref, on mélange ces deux séries-là ensemble. C'est un équilibre entre les deux. C'est côté 8, très bien, selon GameSpot. Et sinon, Albedo Eyes from Space sort sur PC. Craven Manor sur PC, qui est un jeu d'horreur à la première personne. Tesla Breaks the World sur PC. Command Modern Air et Naval Operations sur PC. Et voilà, c'est tout. Le reste des jeux en Europe. Yes! C'est tout pour les jeux vidéo qui sortent pour la semaine du 21 au 27 septembre 2014. Si vous dites que vous avez rien à jouer comme jeu vidéo, vous avez tard. Regardez la semaine qu'on vient de passer. On vient de passer comme plein de temps là-dessus. Wow! En fait, je dirais 7 minutes 35 jusqu'à maintenant. Voilà pour bientôt sur vos écrans. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est un Fate Edition, mais en fait, je m'avancerai pas trop pour dire qu'on va faire les autres chroniques parce qu'on est rendu à notre chronique musicale spéciale qu'on fait depuis quelques semaines déjà. C'est la série sur Super Mario 64, c'est Portrait of a Plumber, qui est la 48e compilation gratuite éditée par Overclocked Remix. C'est un album d'arrangement inspiré par la musique du célèbre titre de lancement de la console Nintendo 64. Donc, on parle de Super Mario 64. Portrait of a Plumber met en vedette 21 pièces arrangées par les 16 artistes qui réimaginent les compositions originales de Koji Kondo dans une variété de styles. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était très très sur le bord de terminer le deuxième CD. Donc nous voilà à la toute fin de la série. On va entendre les 8e, 9e et 10e pièces de ce deuxième CD. Plus tard, See You Next Time, Staff Roll et Do Piranha Plants Dream of Electric Italians. Mais commençons avec So Long, Bowser, basé sur la pièce Ultimate Koopa. C'est par Scaredism. MPS, le Mathieu Plante Show, sur C'est fou. Ça finit sur une note endormante. Un peu cette compilation. Portrait of a Plumber, Super Mario 64. On va l'entendre du Piranha Plant's Dream of Electric Italians, arrangé par Tubers McGee sur la source Piranha Plant's Lullaby, une des chansons de Super Mario 64, bien sûr. Avant d'entendre See You Next Time, arrangé par Soul Signal, avec la source Staff Roll. Et au tout début du bloc, c'était So Long, Bowser, arrangé par Scared Sim, basé sur la pièce Ultimate Koopa dans le jeu d'origine. Si vous avez aimé cette compilation, Portrait of a Plumber, moi je l'ai adoré. J'ai vraiment aimé les deux CD au complet qu'on joue depuis quand même quelques semaines déjà. En tout cas, peut-être même quelques mois, mais pas trop. Bref, peu importe, hein, j'ai pas vérifié combien de temps ça faisait. Allez voir plumber.ocremix.org. Le lien est évidemment sur assemblagerequis.com. Et là, vous vous demandez, mais là, vous avez terminé cette série, Mathieu Plante? Parce que vous me voyez, vous êtes vraiment poïse. Quelle est votre prochaine série musicale, série en concert, qu'on va passer, évidemment, parce qu'on sait, on n'arrêtera pas ça. Là. Depuis qu'on a un format de 2 heures, c'est ce qu'on fait, un bloc par semaine. Ça va être ceci. Écoutez un extrait juste pour voir si on aime ça. T'sais. On en parle après. Ça va être bon. Ah oh, oui. Garantie. Le 49e album de OCRemix.org, 14 artistes différents pour célébrer le 25e anniversaire du Game Boy. Toutes des chansons qui proviennent de jeux sur Game Boy, la version originale à brique grise, avec entre autres Pokémon Red Blue, The Smurfs Nightmare, Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories, Mega Man 2, Donkey Kong, Asterix, Castlevania 2, Belmont's Revenge, Batman, Tetris, bien sûr. Super Mario Land, Final Fantasy Legend 2, Legend of Zelda Link's Awakening, Donkey Kong Land, Dragon Ball Z Legendary Super Warriors et plusieurs autres. Donc évidemment, le Game Boy original qui est sorti le 21 avril 1989. On va aussi donc couvrir l'histoire du Game Boy un peu à travers cette série-là. Ça va être fantastique. On va célébrer donc un quart de siècle pour le Nintendo Game Boy. Avec Legacy Game Boy 25th Anniversary and OC Remix Album. Allez voir la bande-annonce sur YouTube et retrouver la série au complet à petite dose tout au long des prochains mois. On va se planter show. Ouais, ça va être bon, ça va être vraiment bon. Mais pour l'instant, nous, ça va être la fin de notre Mathieu Plante Show pour cette semaine. Oui! On va se retrouver la semaine prochaine, bien sûr, toujours les mardis entre 13h et 15h. On rappelle, lors d'une nouvelle case horaire, les jeudis de 16h à 18h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Et au Palmarès, c'est fou, les mercredis entre 14h et 17h. Consultez la programmation complète de C'est fou sur cifou.ca. Retrouvez les notes d'émission, les balades de diffusion sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, facebook.com/MathieuPlanteShow. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye. We'll be right back.